tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. On va jouer avec Leslie qui est avec nous. Bonjour Leslie. Bonjour. Comment vas-tu? Mais très bien, vous. Mais écoute, ma foi, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, Leslie. T'appelles de Châtelet, toi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Très bien. Alors, attention, on va donc jouer au Free Code Game. Le principe est simple. Tu connais le principe du Free Code Game? Attends, tu sais quoi, Leslie? On va te raccrocher au nez, on va te rappeler sur une autre ligne parce que le son est dégueulasse, je vais pas comprendre la moitié des réponses, d'accord? Ok, d'accord. On va te rappeler, ne bouge pas de là pendant ce temps-là. Bah, comme elle écoute tous les matins, je vais pouvoir le rappeler aux nouveaux auditeurs, évidemment. Il y a 4 séries de questions, ça va de petits paquets, grands paquets, durum aux mitraillettes. Ça va des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées. Et pour le petit paquet, par exemple, tu gagnes une compil Fun Radio. Le grand paquet, ce sont des places de ciné. Le durum, c'est un iPod ou la mitraillette, c'est pour gagner un Samsung Galaxy ce matin. Bon, alors, du coup, Leslie, qu'est-ce que tu choisis comme série de questions, dis-moi? Un durum. Un durum, c'est pour gagner l'iPod, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Allez, c'est parti. Le Free Code Game, on y va. 5 questions, tu fais 3 sur 5 et c'est gagné. Leslie, je te souhaite bonne chance. À une près, combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain? 52. Oh, c'est dommage, 50. À une près, donc 51, 49 aurait été bon. 52, c'est juste à côté, c'est pas grave. Sur un porte-clés, on met une porte ou des clés? Des clés. Bah des clés, bah oui, bonne réponse. C'est quoi cette question? T'as fumé un truc à ce moment-là ou... Je trouvais ça drôle. D'accord, ok. Bon, j'ai le droit de faire des questions marrantes, merde. Moi-même, quand j'ai eu la question, j'ai un bugué à un moment, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas compris la question. Est-ce quoi que c'est bon. Ça, ou... Alors, vrai ou faux, il y avait de la musique dans les films muets? Leslie? Vous pouvez répéter la question? Oui, vrai ou faux, il y avait de la musique dans les films muets? Oui. Vous voyez, bah, c'est une bonne réponse. En athlétisme, si je cours un 800 mètres, je fais combien de fois le tour de la piste? Vite. 8 fois. Non, 2 fois. Et enfin, dernière question, si tu réponds bien, c'est gagné. Ou pas? Attends, perdu, vrai, perdu. Ah bah non, c'est perdu. En Angleterre, on paye en livres ou en iBook? En livre, c'est une bonne réponse, mais malheureusement, ça ne suffira pas, puisque tu n'as fait que 2 bonnes réponses sur 5, Leslie. Encore heureux, je mets des questions à la con. Oui, malheureusement. Bon, bah désolé, Leslie. Hein. C'est pas grave, on essaiera une autre prochaine fois. Exactement, comme on dit, le principal, c'est... De participer. Voilà. Allez, Leslie, je te fais des gros bisous. Qu'est-ce qui t'a pris, Audrey? T'as cru que tu t'es où, là? Il s'est passé quoi dans ta tête? Je sais pas, j'ai craqué. Oh. Bon, allez, gros bisous, Leslie. Je te souhaite une bonne journée à Châtelet. Et... Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos, entre autres les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Vidéo avec les premières images du documentaire sur Arnaud Lagardère et Jade Forêt. Et quoi de plus naturel pour Monsieur Lagardère et Madame Forêt qu'une présentation avec une promenade dans les bois? C'est que... Évidemment. On connaît aujourd'hui la raison de la victoire de Barack Obama à la présidence des États-Unis. D'après Arnold Schwarzenegger, Obama serait plus baraqué que Romney. Ouais. Rihanna fait trembler la presse, elle pose nue pour l'édition spéciale d'un magazine. Rihanna a posé nue pour GQ, en même temps c'est mieux d'être nue pour voir son cul. Gérard Butler regrette que Jessica Biel l'ait quitté pour Justin Timberlake. On comprend Gérard, le matin ça doit manquer pour le breakfast, du biel et du butter sur un toast. Et pour terminer, si vous aimez les drogues et les rencontres pour célibataires, allez faire un tour dans un sniff dating. Ah, je vais y aller! Ah oui, moi c'est où? Il est où le prochain sniff dating? Hein, moi je viens, hein, y a pas de problème. Si en plus y a d'alcool dating, hein, nous on vient d'un coup. Ah, oui, trop bien mélangé. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Existentiel, on va appeler déjà dans un village qui porte, enfin dans un village ou une ville en fait, je sais même pas, qui porte très bien son nom puisque c'est l'endroit où Toff est né. C'est-à-dire? À Roulou. Voilà. Un relou, pardon, tant pour moi. Un relou. Voilà. Je trouve que ça te va très bien. Ben, je suis d'accord. Moi, j'aime bien relou. Ben oui, mais relou, ça va très très bien. Donc, on va appeler pour la question existentielle à base de quoi ce matin ? Bah, à base de cloche. À base de cloche. Et oui, je me suis demandé si en fait, quand on dit de quelqu'un qu'il est cloche, c'est parce qu'il résonne. Enfin, je sais pas, t'as pas quoi sur la tête d'Audrey pour voir ? De quoi ? Essaye de voir un peu si ça fait si ça résonne bien sur sûr, tête d'Audrey. Non, mais non, pourquoi ? Attends, essaye de voir. Non. Ah ben ça résonne, ouais, effectivement. Oh là là, ça vibre. Ça résonne pas mal même. Allez, on appelle à Relou maintenant pour leur poser la question. C'est parti. Allô, Relou ? Relou ? Allô ? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Oui, mais vous voyez l'heure qu'il est ? Oui, oui, je vois bien, oui. Mais vous t'éprez de ça ? De Bruxelles. Mais écoutez, c'est pas pour maintenant, je vous réponds rien du tout maintenant, vous m'allez réveiller. Ah oui, bah, enfin maintenant que vous êtes réveillée, vous pouvez répondre ? Non, c'est pas bien du tout, de votre part. Bah pourquoi vous dites ça, madame ? Je vous souhaite une bonne nuit. Bah merci, mais... Il fait chaud. C'est ça, on a déjà dormi après vous, hein. Ah oui. On rappelle à Relou. On me rappelle sur monsieur ? Oui, excusez-moi, mais nous avons été coupés, vous n'avez pas répondu. Oui, allô. Ah oui, c'est oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Allez, monsieur, je vous laisse. Hein. Bah attendez, je ne vous ai pas encore posé ma question. Vous n'avez pas besoin de la poser, elle l'a déjà posée. Bah pas du tout. Excusez-moi, laissez-moi, je vous répète, c'est ça frôle... Oui, on frôle quoi, monsieur ? Ça frôle la grossièreté. Au revoir, monsieur. Bah, pas du tout. Enfin, pourquoi vous dites ça ? Et parce qu'on ne téléphone pas, monsieur. Bah oui, mais la preuve que si, puisque vous avez décroché que je vous ai appelé. J'ai dû me lever, j'ai dû aller, franchement. Non, allez. Monsieur, retenez bien ce que je vous ai dit. Au revoir, monsieur. Oui, mais ça répond pas à ma question, ça. Non, monsieur, au revoir. Il avait du mal, hein ? Ouf, même raccroché, il avait du mal. Ah, qu'est-ce que vous voulez, vous Lise ? Bon. Mickaël à la radio. Le replay. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. La ligne entre loup avec les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. En gros, hein, si vous êtes témoin, enfin pas témoin, si vous êtes victime plutôt d'un relou, n'hésitez pas à l'envoyer sur la ligne entre loup. Vous lui donnez ce numéro-là en lui faisant croire que c'est le vôtre et comme ça il sera content. Il aura votre numéro, il va vous lâcher l'affaire, il va vous lâcher la grappe. Et en plus de ça, il appellera sur la ligne entre loup le 0473 86 0013. On écoute le premier message. Grosse putain, je viens de me manger une tarte dans la gueule, mais sur la vie de ma mère, que si je t'attrape, je vais te défoncer. Que je sais où t'habites, tu m'as donné l'adresse, comme t'es tellement conne. Je vais retrouver, le monde, il est super petit. Oui, il fait quand même 40 000 km de long. Hein, donc, Oui. Enfin, c'est un beau monde. C'est ça, c'est pas très grand hein, par rapport à d'autres trucs, mais quand c'est même. Pas hein, mal. C'est déjà pas mal quand même. Hein. Deuxième message, en tout cas, elle avait l'air en pleine forme. Ouais. Bonsoir, mon boss, c'est Christophe. J'espère que tu vas bien. J'aimerais bien te lécher tes nichons. Ça vous donne envie des filles ou pas quand il y a un mec qui arrive? Bonsoir, j'aimerais bien te lécher les nichons. Moi j'adore les gens direct. Ouais. Ah tu vois, elle adore se faire lécher les nichons. Voilà, j'adore. Mais c'est ça, mais bien sûr, elle passe son temps à ça. On la connaît maintenant. Hein. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.